إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. يقول تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله سبحانه وتعالى بصدق سيدي أصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام من نتظر أفضلي كتا ميزيريكورد للعالمين pour le monde, que ce soit le monde بجمع جلمون تجني. ويقول تعالى كذلك: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سورة التوبة آية 120. الله سبحانه وتعالى في الدوزيام فيرسي il précise en disant: certes un messager pris parmi vous est venu à vous. Ce messager, il a été pris parmi vous, pour vous-même. Un messager auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous et compatissant miséricordieux envers les croyants. Ça ne t'a raqué Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khayran illa wa arshad al-ummata ilayh. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas vu un bien profitable à sa communauté tant qu'il ait poussé sa communauté vers ce bien. وَمَا تَرَكَ شَرًا إِلَّا وَحَذَّرَ الْأُمَّةَ مِنْهُ. Et il n'y a pas vu un mal pour sa communauté tant qu'il lui dise ou qu'il la mette en garde contre ce mal-là. وَذَلِكَ لِمَذَا لَشْ لِحَرْصِهِ عَلَى سَعَادَتِهِمْ وَفَلَاحِهِمْ وَنَجَاحِهِمْ وَفَوْزٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Pourquoi ? C'est pour notre réussite. Pour qu'on soit victorieux cette dunya, qu'on réussisse cette dunya, c'est mal akhira. Mais un insan, yitma bil khairat, c'est dunya bil akhira. Allah subhanahu wa ta'ala n'a'la alayna zi al'am. Allez, madame, nous nous harim al-fursana. Allah subhanahu wa ta'ala n'a'la des bienfaits dans cette dunya. Pourquoi c'est pour s'en priver ? Non, on s'en prive pas. On sait que le prophète a.s. il fait le bien. Il veut qu'on réussisse dans le monde de l'akhira. C'est l'akhira. Fahaddarana. Fahaddarana. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: Ya ayyuhal nas, innaha lam takun fitnatun ala wajhi al-ard mundu dara'a Allahu dhurriyyata Adam أعظم من فتنة الدجال. تخشى حديثنا بدون ديفيني كو لو تيتر دو نوت كونفيرونس دو نوت دانس كون انتران دو فير سافوا بارلي سافوا كونسيستي ا ديفلوبي كي مسيح الدجال. كي الدجال كي لي فاتيتنا اون دافوار au fur et à mesure qu'on va avancer, que malheureusement, dit le Dajjal, c'est tout l'éc. Soit un fauque le manabir, soit un fédéraux, âme ou khasa, il est le marché de l'Allah. Il est le marché de l'Allah, il est le marché de l'Allah. Donc on y va. Ça pourrait être agi vendredi. C'est le dimanche de l'Allah de Dajjal. Dans les virus qui sont ces triples de professeurs, car du Nassir et Béjel. Oh ben c'est grave. C'est grave. Le fait de se taire sur le Nassir et Béjel, c'est très grave. On va voir ce que le prophète, il nous dit ici. Donc premièrement, في حديث ما تذكر الموصول. يا أيها الناس ذوبوا لجان إلا لم تكن فتنة على وجه الأرض. إن يعطان فتنة أذكر في بغاوك السر تقول هناك فتنة المسيح الدجال فرد أخوات في أخوة كل ما نشاهد فهي أكثر من تلك الفتنة. Tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut assister, que ce soit dans n'importe quel pays, la fitna de Messie de Dieu sera encore plus grande que les fitna qu'on est en train de voir actuellement. Depuis que Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam et sa descendance, c'est-à-dire que la fitna a en donne une fitna à notre Messie de Dieu. فقال صلى الله عليه وسلم لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. وهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم pourquoi je vous dis que les imams ne vont plus parler de الدجال pour le nimbar. صدق أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم الإمام كي لدي كي لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره تقلي شنفا خصوص لي وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابع يكون في الزمان لفعل خصوص لي شنفا أصل المرات مسيح الدجال إذا أتعاسي ما صرفي مجيس كالقضاء مسيح الدجال إذا كان تخصصي إذا كان تخصصي بيان كون بيرا أو كونتينيو كي يدي جو كي يقول دير ويبو تنسكت يقول جو إذا مسيح الدجال سيكون سكي مقصاني مسيح الدجال سيكون يام مسيح الدجال سيكون أخر شوز فانسان باطل نماج. هذا الدبال المبين هذا الدبال المبين تقول لك يا ناصر. قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف الذي يخرج أعور الدجال مسيح الضلالة قبل المشرق في زمان اختلاف الناس والفرقة فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأرض في 40 يوما. dans ce hadith là Abu Huraira il jure, il dit que j'ai entendu Abu al-Qasim le prophète عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق يقول يخرج أعور الدجال مسيح الضلالة. لماذا سمي مسيح الضلالة؟ parce que c'est l'antichrist qui est comparé par l'antichrist. المسيح الدجال c'est celui qui est traduit par l'antichrist. ومسيح الهدى هو عيسى عليه السلام. هذا مسيح الضلالة لانتيخريست ومسيح الهدى سيدنا عيسى عليه السلام. nous n'avons pas plus vite que le temps. allons-y doucement. quand est-ce qu'il sortira? on a dit la première des conditions c'est quand les gens parleront plus de مسيح الدجال. عندما نتكلم على مسيح الدجال مسيح الدجال لا يخرج. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في زمن اختلاف الناس. عندما اختلف الناس تلقاهم اليوم في الجامع في المسجد الواحد هذا يشوف في خبر العرج هذا يشوف في خبر العرج مثل الجعري هذا في جامع واحد أنا نصدر واحد كلمة نقضة واحدة قرآن نقرآن واحد نبي نبي واحد سبحان الله ايش هذا ولذا في المسكي ضمع المسكي نبخي وقيا غلطة وخبر l'autre qui dit même assalamu alaikum à son frère. On prie avec notre imam, on prie un seigneur, notre qibla dans une seule direction, Quran wahed, bil wahed. C'est pas l'irtilaf ça? Ça c'est l'irtilaf de l'aïne. Mais le Quran, chacun est divisé. Aujourd'hui on est dans l'époque de la division. Aujourd'hui on vit l'époque de la division que le prophète alayhi salatu wa sallam a mentionné dans le hadith. Quelle est donc la deuxième des conditions pour que le Messie de Dieu sorte? Première en avis, c'est quoi? C'est quand les gens parleront plus de lui. Quand les humains ne parleront plus de lui sur Mimbar, quand il sera oublié. Deuxième des conditions, quand les gens seront divisés. Quand les gens ne seront pas en accord ensemble. Ça y est, nous aurons mal, sha'Allah, en yablou, min al-ardi fi arba'ina yawma. En combien de temps il va, si on peut traduire ça comme ça, conquérir la terre en 40 jours. En 40 jours. Fayalqa al-mu'minuna shiddatan shadida.